Et dès 1956, dans le numéro 7 de la revue, on a lancé, Jean Barriol et moi, ce que l'on a appelé l'opération Bory. Parce que dans l'Vaucluse, on les appelait ainsi. Actuellement, ce mot est passé, commencé à passer un peu partout, parce que des journalistes faisaient des articles, des magazines qui commençaient à chercher le patrimoine pittoresque, écrivaient des articles, on y reviendra. Et on a lancé cette opération à la suite du 4e congrès d'études régionales qui avait été consacré entièrement, enfin du moins une partie des journées entières consacrées à la question des cabanons pointus, et spécialement autour de Murs et de Gordes, où on avait été accueillis très bien d'ailleurs par la population, et qui nous avait dit qu'il fallait faire quelque chose parce qu'on les démolit, les entrepreneurs prennent les pierres, alors il faut déjà, faire quelque chose. Déjà. Mmh. Alors il y avait eu en particulier au foyer rural de Murs un débat qui avait été animé par Jean Barriol et par le maire de Murs, M. Fabre. Et on s'est rendu compte tout d'un coup qu'il passait de l'électricité dans l'air. Il y a eu une sorte d'unanimité pour qu'on fasse tout de suite quelque chose. Et déjà, on dit, on va s'en occuper. Et on a lancé l'opération. Alors, ça consistait à quoi, cette opération? Ça consistait à faire un recensement le plus complet possible de tous les monuments existants, et puis ensuite les étudier, en faire un inventaire aussi exhaustif. Alors, les monuments en pierre sèche? Toutes les structures en pierre sèche. D'accord. Et alors, on a mis sur pied deux fiches, une fiche communale, qui était un questionnaire, et les deux préfets du Vaucluse et des Basses-Alpes ont accepté de faire passer par leur canal auprès de tous les maires, mais ça a été très inefficace. Il faut dire que les maires avaient d'autres objectifs, après la guerre, il y a eu pas mal de dégâts, c'était quelques années donc après la guerre. Les questions culturelles n'étaient pas la préoccupation majeure, quand encore ça n'était une. Il n'avait qu'un souci, c'est de faire venir une usine qui emploierait 2 ou 3 000 personnes dans la région, dans leur région, et bon, mais les cabanons pointus, ça ne les intéressait pas. Et... comment c'était parti voilà, oui. D'où était venue ta lancer l'opération Bory. Voilà. Bon. Alors tu nous parles un peu de l'opération Bory, puis après on va voir comment tu as monté ta... Alors l'opération Bory, ça consistait, on avait fait une fiche pour les maires, et alors on leur disait simplement, il y avait un joli cabanon dessiné sur la fiche, on leur disait, est-ce qu'il y a des structures en pierre sèche chez vous? Alors ça a été totalement inefficace, parce que du Vaucluse il n'est presque pas venu de réponse, des Basses-Alpes il en est venu 15, et sur les 15, la plupart disaient, il n'y en a pas à ma connaissance. Exemple, le maire d'Ongles, sur lequel il y a des cabanes pastorales magnifiques, des quantités de structures, de restanques et de tout, disait, il n'y a pas d'architecture en pierre sèche sur le territoire de la commune. Alors, donc, heureusement qu'il y avait la deuxième fiche, qui était la fameuse fiche analytique, qui est toujours en usage d'ailleurs, une fiche recto-verso, grand format, avec toutes sortes de questions pour chaque cabanon. Et là, on a rempli des centaines et des centaines de ces fiches. Alors parmi les gens qui ont investi énormément là-dessus, il y a eu plusieurs personnes, il y a eu l'abbé Vernet qui était curé de Gordes et qui est mort vers 1965, plutôt que ce qu'on avait souhaité, il n'était pas très âgé. Et puis il y a eu surtout Pierre de Sol, qui est un vieux monsieur de 70 ans, et qui s'est passionné pour la question, ça lui a posé tellement de questions, qui s'est inscrit au cours de la Sorbonne, d'architecture et d'archéologie de la Sorbonne, et au cours des hautes études, 70 ans. Et 4 ou 5 ans après, il avait terminé l'enquête sur Bonnieu, qui est un volume de 350 fiches à peu près que vous avez à Salagon, dont on a fait établir des photocopies par la direction régionale de l'inventaire. Chaque fiche ayant sa photo, en fait très très très bien fait,